Chapitre 14e. Il était près d'une heure après midi lorsque Mr. Pendril quitta le château. Miss Garth restait seule, s'assit devant la table et tâcha de regarder en face les terribles nécessités auxquelles la condamnaient ces révélations. À cet effort, sa fermeté d'âme ne pouvait suffire. Aussi voulut-elle s'y soustraire un instant, perdre le sentiment de sa position, échapper à sa pensée, ne fût-ce que quelques minutes. Peu après, elle ouvrit la lettre de Mr. Vanstone et se contraignit à la relire d'un bout à l'autre. Une à une, les dernières paroles du mort s'imposaient de plus en plus à son attention. La solitude où on la laissait, le silence que rien ne venait interrompre, aidaient à l'influence de ces mots sur sa pensée et ouvraient précisément celle-ci aux impressions passées et présentes qu'elle désirait le plus écarter. Arrivée aux tristes lignes qui terminaient la lettre, elle se trouva par une pente insensible, et d'abord sans en avoir conscience, reprendre anneau par anneau la chaîne fatale des événements, et remonter ainsi jusqu'à leur origine le mariage projeté entre Magdalene et Francis Clare. C'était en vue de ce mariage que Mr. Vanstone était allé trouver son vieil ami, lui apporter un aveu auquel, sans cela, il n'aurait jamais pu se résoudre. De là cette découverte qu'il avait fait rentrer chez lui pour y mander l'avocat. Cet appel à bref délai avait ensuite déterminé ce départ du vendredi, qui devait avoir lieu le samedi, et c'était le vendredi qu'avait eu lieu le fatal accident. C'était le vendredi qu'il était allé au-devant de la mort. De sa mort était résultée cette seconde perte qui avait porté la désolation dans le château. De la mort de Mrs. Vanstone, la déplorable situation aux deux jeunes filles dont l'heureux avenir était son plus cher souci. La révélation du secret qui, ce matin même, l'avait écrasé. La révélation plus terrible encore, que maintenant elle avait affaire aux deux sœurs orphelines. Pour la première fois, elle embrassait du même coup d'œil la série entière des événements. Elle la voyait aussi nettement que l'azur du ciel, sans nuages, et le vert splendide des arbres qui l'éclairaient devant elle. Comment, à quel moment leur parlera-t-elle? Qui oserait, une semaine après la mort de leur père et de leur mère, venir leur révéler la flétrissure de leur naissance? Qui oserait prononcer ces effrayantes paroles, tandis que les premières larmes n'étaient pas encore séchées sur leurs joues, tandis que la première angoisse de la séparation avait encore sur leurs âmes sa prise la plus forte, tandis que le souvenir des funérailles ne datait pas encore de 24 heures? À coup sûr, ce ne serait pas la dernière amie qu'il leur resta. Ce ne serait pas cette femme fidèle dont le cœur saignait à la pensée de leur malheur. Non, coûte que coûte, il fallait se taire pour le moment, se taire encore, par pitié, pendant bien des jours. Elle quitta le cabinet, emportant le testament et la lettre, et dominée par ce sentiment de compassion qui, scellant ses lèvres, la faisait, de propos délibérés, s'aveugler sur l'avenir. Dans le vestibule, elle s'arrêta et l'écouta. Pas un bruit ne vint à son oreille. Elle monta doucement l'escalier et, regagnant sa chambre, passa devant la porte de Nora. Derrière cette porte, elle entendit des voix, les voix des deux sœurs. Après un moment de réflexion, elle s'arrêta et, revenant sur ses pas, redescendit vivement l'escalier. Nora et Magdalene savaient toutes deux qu'elles devaient conférer avec Mr. Pendril. Elle avait cru indispensable de leur montrer la lettre par laquelle l'avocat fixait l'heure du rendez-vous. Devait-elle éveiller leurs soupçons en allant s'enfermer dans sa chambre aussitôt après le départ de Mr. Pendril? Sa main tremblait sur la rampe. Elle sentait que sa physionomie pourrait la trahir. L'abnégation courageuse, qui jusqu'à ce jour ne lui avait jamais manqué, avait fini par trouver une tâche au-dessus de ses forces. À la porte du vestibule, elle réfléchit encore un moment, descendit dans le jardin et se dirigea vers un banc et une table rustique dressée parmi les arbres et qu'on ne voyait pas du château. Jadis, elle s'était assise là, entre Mrs. Vanstone et Nora, tandis que Magdalene et les chiens couraient et jouaient sur le gazon. Maintenant, elle s'y retrouvait seule, ayant sur la table à côté d'elle ce testament et cette lettre dont elle n'osait plus se séparer. Sa tête s'inclinait sur ses papiers et, cachant son visage dans ses mains, elle était là, seule, assise, cherchant à retrouver le courage qui lui manquait. Des profondeurs obscures de l'avenir, les doutes inquiets lui venaient en foule. Elle se sentait envahie par la crainte des dangers cachés que pouvait amener prochainement son silence à l'égard de Nora et de Magdalen. Le moindre incident passager pouvait, tout à coup, révéler la vérité. Mr. Pendril pouvait écrire et s'adresser directement aux deux sœurs, supposant, à bon droit, qu'elle leur avait ouvert les yeux. Des complications nouvelles pouvaient surgir à chaque minute. Des nécessités imprévues pouvaient la contraindre à quitter le château. Elle voyait tous ses périls. Pourtant, le courage cruel de tout affronter et de parler était aussi loin d'elle que jamais. Peu à peu, la lutte intérieure devint trop forte pour ne pas se manifester par quelques paroles et quelques gestes. Elle releva la tête et, frappant la table par un mouvement de désespoir, « Dieu me vienne en aide. Que faut-il faire ? » s'écria-t-elle. « Comment leur dirai-je tout ceci ?»« Nul besoin de leur rien dire. Elles savent tout. » reprit une voix derrière elle. Miss Garth, en un instant, fut debout. C'était Magdalen qui avait prononcé ces paroles et qui se trouvait maintenant devant elle. Oui, c'était là, cette gracieuse taille, en vêtements de deuil, se détachant immobile et noir sur un fond de feuillage. C'était Madeleine elle-même, mais avec un immuable repos sur son pâle visage, une résignation glaciale dans le regard fixe de ses yeux gris. « Nous le savons déjà, » répéta-t-elle d'une voix claire et posée. « Les filles de Mr. Vanstone ne sont les enfants de personne. Et la loi les livre, sans protection, à la merci de leur oncle. » Ce fut ainsi, sans une larme sur les joues, sans un tremblement dans la voix, qu'elle répéta les propres paroles de l'avocat, exactement comme lui-même les avait prononcées. Miss Garth, comme ébranlée, recula d'un pas et se prit au banc pour se soutenir. Elle se sentait étourdie et ferma les yeux sur le point de s'évanouir. Quand elle les rouvrit, le bras de Magdalen la soutenait. Le souffle de Magdalen caressait ses joues. Les froides lèvres de Magdalen la couvraient de baisers. Ces baisers, elle voulut s'y soustraire. Le contact des lèvres de la jeune fille la pénétrait de terreur. Aussitôt qu'elle fut en état de parler, vint l'inévitable question. « Vous nous avez écoutés, dit-elle, où étiez-vous ? » « Sous la fenêtre ouverte. » « Et tout le temps ? » « Du premier mot au dernier. » Ainsi, cette jeune fille de 18 ans, orpheline depuis 8 jours, avait surpris toutes ces terribles révélations, mot par mot, à mesure qu'elle tombait des lèvres de l'avocat, et cela sans se trahir un instant. Dans tout le cours de cette conférence, les seuls mouvements qui lui eussent échappé avaient été assez légers, assez mesurés, pour n'éveiller d'autre idée que celle de la brise d'été agitant le feuillage. « Ne vous forcez pas encore à parler, » dit-elle avec un accent plus doux et plus ému. « Ne me jetez pas ces regards soupçonneux. Quel mal ai-je fait ?» Quand Mr. Pendril demandait à vous parler de Nora et de moi, sa lettre nous donnait le choix d'assister ou non à votre entretien. Ma sœur aînée refusant d'y être présente, comment aurais-je pu m'y rendre seule, et par quel autre moyen pouvais-je espérer de savoir ce que je sais? De cette surprise, aucun mal n'est résulté, au contraire, puisqu'elle vous épargne la cruelle nécessité de nous tout révéler. Vous avez déjà bien assez souffert pour nous. Il est temps que nous apprenions à souffrir nous-mêmes. J'ai appris, quant à moi, Nora s'efforce d'apprendre. Nora, oui, j'ai fait ce que je pouvais pour alléger votre tâche. J'ai déjà tout dit à Nora. Et étrange aveu, cette jeune fille dont le courage n'avait pas fléchi devant une nécessité que n'osait aborder une femme assez âgée pour être sa mère, était bien celle que Miss Garth avait élevée. Cette jeune fille, dont elle croyait connaître le caractère aussi bien qu'elle se connaissait elle-même. Magdalen, s'écria-t-elle avec un élan passionné. « Magdalen, vous me faites peur !» Magdalen ne répondit que par un soupir et se détourna tristement. « Ne me jugez pas avec trop de sévérité, dit-elle. Je ne saurais pleurer. Mon cœur est comme engourdi. » Et s'éloignant lentement, elle traversa la pelouse. Miss Garth suivait de l'œil cette grande taille mince et noire qui semblait glisser sur l'herbe et se perdit bientôt parmi les arbres. Tant qu'elle l'eut devant les yeux, elle ne pouvait penser à rien d'autre. Mais dès que Madeleine eut disparu, l'image de Nora lui revint. Pour la première fois depuis qu'elle vivait dans l'intimité des deux sœurs, l'instinct de son cœur la poussa vers l'aînée. Nora n'était point sortie de sa chambre. Assise sur une causeuse près de la fenêtre, elle tenait ouvert sur ses genoux le vieux cahier de musique qui avait appartenu à sa mère. Ce souvenir que Mrs. Vanstone avait trouvé dans le cabinet de son mari, le jour même où son mari allait lui être enlevé. Nora le quitta des yeux avec une douleur si calme. Il eut tant de douce bienveillance dans le geste par lequel elle indiqua la place vide à côté d'elle, que Miss Garth se demanda un moment si Magdalene avait dit vrai. « Voyez, » dit simplement Nora, retournant la première feuille du cahier, « le nom de ma mère y est écrit, et sur la page suivante, quelques vers adressés à mon père. Ceci, du moins, à défaut du reste, nous pourrons bien le garder. » Elle entoura de son bras le cou de Miss Garth, et une faible coloration vint animer ses joues. « Je lis d'inquiètes pensées sur votre physionomie, » murmura-t-elle. « Est-ce moi qui en suis le sujet ?»« Vous vous demandez peut-être si je sais tout. Eh bien oui, toute la vérité m'est connue. Peut-être, plus tard, m'eût-elle été amère. Il est trop tôt maintenant pour que j'en ressente la teinte. Vous avez vu Magdalene, n'est-il pas vrai ? Elle est sortie pour aller vous retrouver. Où l'avez-vous laissée ? Dans le jardin. Je ne me sentais ni en état de lui parler, ni de la regarder en face. Magdalene m'a fait peur. Nora se leva précipitamment. Elle se leva comme affligée et troublée par la réponse de Miss Garth. « Ne jugez point mal, Magdalene, » dit-elle. « Magdalene, en secret, souffre plus que moi. Ne vous attristez pas outre mesure de ce que vous avez appris ce matin à notre sujet. Qu'importe ce que nous sommes, ce que nous perdons, ce qui nous reste. Après la perte de notre mère et de notre père, qu'avons-nous à perdre ici-bas ? C'est là, Miss Garth, c'est là l'unique et véritable amertume. Hier, quand nous les avons mis au tombeau, quel souvenir d'eux avions-nous ? Ceux de cette tendresse qu'ils nous avaient vouée, de cette tendresse que nous ne retrouverons jamais. Quels autres souvenirs pourrions-nous avoir aujourd'hui ? Quel changement le monde et ses lois cruelles peuvent-ils apporter à notre culte pour la mémoire du meilleur père, de la meilleure mère que jamais enfant ait eue ? Elle s'arrêta, cherchant à comprimer un retour de sa poignante douleur, et paisiblement, résolument, sut en effet la contenir. « Voulez-vous attendre ici, dit-elle, que j'aille vous chercher Magdalene ? Magdalene a toujours été votre favorite, et je veux qu'elle la soit encore. » Elle posa doucement le cahier de musique sur les genoux de Miss Garth et quitta la chambre sans rien ajouter. « Magdalene a toujours été votre favorite. » Si tendrement qu'ils eussent été prononcés, ces mots avaient pris dans l'oreille de Miss Garth l'accent du reproche. Pour la première fois, dans le cours de cette longue intimité, elle se demanda s'il n'y avait pas quelque fatale méprise dans l'appréciation relative que faisaient des deux sœurs et leur institutrice et le surplus de leur entourage. 12 ans de suite, elle avait pu étudier, jour par jour et de fort près, les caractères de ces deux élèves. Ces caractères, qu'elle s'imaginait avoir sondés dans toute leur profondeur, venaient de passer soudainement à la rude épreuve de l'infortune. Et comment en était-il sorti ? Était-ce comme l'expérience du passé le lui aurait fait prévoir ? Nullement, et cette expérience recevait un démenti solennel. Que conclure d'un tel résultat ? Quand elle s'adressa à cette question, il lui vint des pensées qui nous ont tous plus ou moins troublés, plus ou moins attristés. Existe-t-il donc, dans tout être humain, au-dessous de ce caractère extérieur et visible, empreint et façonné par les influences sociales qui nous entourent, une disposition intérieure, invisible, qui fait partie intégrante de nous-mêmes, que l'éducation peut modifier indirectement, mais qu'il faut désespérer de changer. La philosophie qui conteste ceci et nous déclare nés avec des dispositions semblables à des feuilles de papier blanc, n'est-elle pas la même qui méconnaît la différence irrémédiable de nos visages et qui, n'ayant jamais comparé deux enfants nouveau-nés, ignore à quel point ces enfants échappent déjà par d'irrésistibles instincts, à la volonté de leur mère ou de leur nourrice ? Existe-t-il, variant à l'infini selon chaque individu, des forces innées qui nous poussent, tous, tant que nous sommes, vers le bien ou vers le mal ? Forces cachées à des profondeurs où ne sauraient atteindre ni les encouragements purement humains, ni la répression purement humaine. Bien cachées, mal cachés, tous deux également à la merci de l'occasion qui les dégage, de la tentation qui les provoque. De leur étroit cachot, le hasard des circonstances garde-t-il toujours la clé? Et n'est-il pas ici-bas de surveillance attentive qui nous puisse révéler à temps l'existence de ces forces prisonnières en nous-mêmes et auxquelles cette clé peut donner issue? Pour la première fois, à l'état de possibilité menaçante, des pensées analogues à celles-ci s'élevèrent comme des nuages sombres dans l'intelligence de Miss Garth. Pour la première fois, elle rattacha ses possibilités à la conduite passée des sœurs orphelines, au développement de leur caractère, de leur avenir, de leur destinée probable. D'un doute à l'autre, d'une hypothèse à l'autre, elle cherchait sa route, analysant avec soin ces deux natures. Il se pouvait bien que jusqu'alors elle n'eût vu de Nora et de Magdalene que la surface de leur caractère. Il se pouvait bien que la réserve extrême, la discrétion peu attrayante de l'aînée, la franchise séduisante et la gaieté de la cadette, dussent être plus ou moins attribuées pour l'une et l'autre à ces causes physiques dont l'élaboration se traduit par des résultats moraux. Il se pouvait bien que sous la surface ainsi formée, surface que jusqu'ici rien n'avait dû modifier, vu l'existence constamment heureuse, constamment unie de ces deux enfants, des forces innées et secrètement nourries fussent restées cachées, qu'allaient contraindre à se manifester le premier malheur sérieux dont elles eussent reçu le choc. En était-il ainsi? Fallait-il voir un avenir radieux de lumière sous ces sombres dehors que la réserve de Nora offrait à la vue? Un avenir triste et ténébreux sous cette superficie éblouissante qui dissimulait les défauts de Magdalene? Si la vie de la sœur aînée devait être désormais le sol fertile où allait germer le bien qui était en elle, la vie de la cadette allait-elle devenir un champ de bataille où les puissances du mal captif, une fois déchaînées, se livreraient un mortel combat? En face de cette conclusion terrible, Miss Garth reculait épouvantée. Son cœur était un vrai cœur de femme. Il acceptait la conviction qui devait lui rendre Nora plus chère. Il rejetait, il repoussait le doute qui menaçait son affection pour Magdalene. Elle se leva et d'un pas inquiet parcourut la chambre, se refusant avec une impatience irritée à toutes les pensées qui, naguère, encore assiégeaient son esprit. Que si la force du caractère de Magdalene impliquait des éléments dangereux, eh bien, n'était-ce pas le devoir de l'institutrice de protéger la jeune fille contre ses propres entraînements? Et comment avait-elle rempli ce devoir? Elle s'était abandonnée à ses premières impressions. Elle ne s'était pas donné le temps de réfléchir si, dans cette action de Magdalene accomplie le matin même et franchement avouée, il ne fallait pas voir une énergique abnégation, promettant pour l'avenir les plus grands, les plus nobles résultats. Elle avait laissé Nora faire entendre à sa sœur ses paroles de douce remontrance, ses appels sympathiques qu'elle-même eût dû prononcer la première. « Oh » pensait-elle avec amertume, « depuis si longtemps que je suis au monde, combien peu jusqu'à ce jour j'ai connu ma propre faiblesse et ma dureté de cœur. » La porte de la chambre se rouvrit. Nora revenait seule, comme elle était partie. « Vous souvenez-vous d'avoir laissé quelque chose sur la petite table, à côté du banc ?» demanda-t-elle d'un ton calme. Avant que Miss Garth pût répondre à cette question, Nora lui tendit le testament et la lettre de son père. « Magdalene, revenant après que vous fûtes partie, lui dit-elle, a trouvé ses reliques suprêmes. Elle avait entendu dire à Mr. Pendril que ce legs nous revenait à elle et à moi. Quand je suis arrivée au jardin, elle lisait la lettre. Je n'avais plus à lui parler. Notre père lui-même se faisait entendre à elle du fond de sa tombe. Et voyez comme elle l'écoutait. » Disant ceci, elle montra la lettre. D'abondantes traces de larmes couvraient encore les dernières lignes tracées par la main du mort. « Des larmes de Magdalene, » dit Nora d'une voix douce. La tête de Miss Garth se pencha sur ce muet témoignage du retour de Magdalene aux meilleures inspirations de sa riche nature. « Oh, » continua Nora, « ne doutez plus jamais d'elle. Nous sommes seuls maintenant. Nous avons à nous frayer dans le monde une route difficile, avec toute la patience dont nous pourrons disposer. Si Magdalene venait jamais à défaillir, à reculer au nom de notre passé, venez-lui en aide. Contre elle-même, protégez-la. De tout mon cœur et de toute ma force, avec un dévouement de toute la vie. J'en prends à témoin le Dieu qui doit me juger un jour. » Telle fut la fervente réponse de Miss Garth. Elle prit la main que Nora lui tendait, et dans son chagrin, dans son humilité, porta cette main à ses lèvres. « Pardonnez-moi. Excusez mon misérable aveuglement. Je n'ai jamais su ce que vous valez. » Nora lui imposa doucement silence, avant qu'elle eût dit un mot de plus. Doucement, elle murmurait à son oreille. « Descendons ensemble au jardin. Allons encourager Magdalene à la résignation que l'avenir réclame d'elle. » L'avenir. Qui pouvait entrevoir dans ces ténèbres la moindre clarté consolante? La figure de Michel Vanstone, cette figure de sinistre présage, arrêtait le regard, posé au seuil du présent et masquant toute perspective ouverte au-delà.